Hallelujah. Alléluia. The church is waiting for Christ the Messiah. L'église a épousé le Christ, le Messie. The church is waiting to Christ, the Son of the Living God. L'église a épousé Christ, le Fils du Dieu vivant. The creator of all the galaxies. Le créateur de toutes les galaxies. The creator of the universe, including the earth. Le créateur de l'univers, incluant la terre. The one that created all the wealth of the universe. Celui qui a créé toute la richesse de l'univers. Some of which have never been discovered will never ever be discovered. Celle qui n'a jamais été découverte et qui ne sera jamais découverte. The creator of all wisdom. Le créateur de toute sagesse. The glorious king. Le roi glorieux. And he's talking about presenting a glorious bride to his son. Et il est en train de parler de présenter une épouse glorieuse à son fils. And you see very clearly. Et vous voyez très clairement. That the Holy Spirit has been mandated. Le Saint-Esprit a été mandaté. With this role of preparing the bride of Christ. Dans ce rôle de préparer l'épouse de Christ. So surely that oil that the wise virgins took. Et certainement cette huile que les vierges sages ont prise. Was very symbolic of the necessity. Était très symbolique de la nécessité. Of the church to receive the anointing of the Holy Spirit. Pour l'Église de recevoir l'onction du Saint-Esprit. So she can enter. Alors elle peut entrer. It's amazing to me. Et ça m'étonne. That oil again. Que cette huile encore. Is an external source. Est une source extérieure. If you look very carefully. Si vous regardez attentivement. You see that all the lamps were lit. Vous voyez que toutes les lampes étaient allumées. And yet the five wise virgins took a jar of oil, an external source. Et les cinq vierges sages ont pris des jarres, une source extérieure. And everything went on right. Et chaque chose sont allées d'une manière juste. Until the running low appeared at the midnight hour. Jusqu'à ce que le niveau d'huile soit très bas au moment de minuit. All of them ran low. Toutes ont eu ce niveau très bas. The wise virgins and the foolish virgins. Les vierges sages et les vierges folles. Their lamps ran low at the midnight hour. Leurs lampes se sont affaiblies à l'heure de minuit. And they all trimmed their lamps. Et toutes ont incisé leurs lampes. They were all drowsy. Elles étaient toutes assoupies. They all became sleepy. Elles étaient toutes endormies. And slept. Et dormaient. But the only thing that mattered was one. Mais la seule chose qui importait, when they woke up, quand elles se sont réveillées, the response. La réponse. The response of the foolish virgins. La réponse des vierges folles. And the response of the wise virgins. Et la réponse des vierges sages. The wise virgins had an external source. Les vierges sages avaient une source extérieure. And that's why the Lord is saying. Et c'est pourquoi le Seigneur dit. That the process that brings the remnant bride of Christ into the wedding of the Lamb. Le processus qui amène l'église restante de Christ aux noces de l'agneau does not come from self-effort. Ne vient pas d'un effort de soi-même. Because you see that the foolish virgins, parce que vous voyez que les vierges folles, not being available as a vessel to be infilled, qui n'étaient pas en mesure de laisser leur récipient se remplir, lacking the external extraneous source of support of the Holy Spirit. Manquant la source extérieure de support du Saint-Esprit. They were not able to prepare to be radiant and holy unto the Lord. Elles n'étaient pas en mesure d'être rayonnantes et saintes devant le Seigneur. But the wise virgins, through the infilling of the Holy Spirit. Mais les vierges sages, par l'onction du Saint-Esprit, were then able to be radiant enough, prepared by the Holy Spirit. Était en mesure d'être rayonnante, préparée par le Saint-Esprit. Remember, he is the same Holy Spirit that has prepared the wedding rings. Souvenez-vous que c'est le même Saint-Esprit qui prépare les anneaux de noces. That has also shown me the clock that is 1 minute to midnight in the sky. Qui aussi a montré l'horloge qui montrait 1 minute avant minuit dans le ciel. So he is involved, he is central in this preparation. Alors il est impliqué, il est le centre dans cette préparation. And so, it is only he that has authority enough. Et alors, c'est aussi lui qui a l'autorité maintenant. To prepare the church to be radiant and spotless. Remember, spotless. De préparer l'église d'être prête et sans tache. Souvenez-vous, sans tache. And if this word spotless is written in the Bible. Et si ces mots sans tache sont écrits dans la Bible. She surely will be spotless. Elle certainement sera sans tache. And so the response is what matters here. Alors la réponse qui importe ici. The Lord, in other words, is saying that. Le Seigneur, dans d'autres mots, dit. All will fail. All have run short of the glory of the Lord. Toutes vont tomber. Toutes sont privées de la gloire de Dieu. But what matters? Those that will be available to the Holy Spirit. Mais ce qui importe, ce sont ceux qui seront à disposition du Saint-Esprit. This teaching essentially places the Holy Spirit at the center of the rapture of the church. Cet enseignement place essentiellement le Saint-Esprit au centre de l'enlèvement de l'Église. Because he's telling the church, parce qu'il est en train de dire à l'Église to detour, to change direction and start emphasizing, de se détourner, de changer de direction et de commencer à mettre de l'importance on the infilling and on the receiving of the Holy Spirit. Au fait d'être rempli et de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. And what matters, the response? Et ce qui importe, c'est la réponse. And you see very clearly, et vous voyez très clairement that at the midnight hour, que à l'heure de minuit, the Holy Spirit becomes the midnight oil. Le Saint-Esprit devient l'huile de minuit. That the bride of Christ is able to burn, mais l'épouse de Christ est capable de brûler. And make it through and go right all the way into the wedding of the Lamb of God. Et aller à travers et aller tout le chemin au mariage de l'agneau de Dieu. But let's look at the lamp before we move on. Mais regardons aux lampes avant d'aller plus loin. So we may understand even better. Alors vous pourrez comprendre peut-être mieux. Now the book of Proverbs chapter 20 verse 27, this is what the Bible says. Maintenant le livre des Proverbes chapitre 20 27. C'est ce que la Bible dit. What did the lamp symbolize? What was the importance of the lamp? Qu'est-ce que la lampe symbolise? Quelle est l'importance de la lampe? Well, I know we've touched it here and there. Je sais, nous sommes en train de toucher ici et là. But I want even to look at it a little bit more. Et je désire que vous regardiez à ça même encore plus. Proverbs 20, 27. Proverbe 20, 27. Let's look at the lamp. Regardons la lampe. What did the lamp symbolize? Hallelujah. Qu'est-ce que la lampe symbolise? Alléluia. It says, the lamp of the Lord searches the spirit of a man. It searches out his innermost being. La lampe du Seigneur scrute l'esprit d'un homme. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. So you begin to understand very clearly. Alors on commence de comprendre vraiment clairement. That the lamp that the Lord caused the 10 virgins to carry, la lampe que le Seigneur a fait porter aux 10 vierges, was very critical, était très importante, because that lamp, parce que cette lampe, like the Bible has said, comme la Bible l'a dit, your eye is the lamp of your body, ton œil est la lampe du corps. It's a mirror of what's happening inside. C'est un miroir qui dit ce qui se passe à l'intérieur. Through the lamp that they were carrying, à travers les lampes qu'elles portaient, they were able to emit that which is in their hearts. Elles étaient capables d'émettre ce qui était dans leur cœur. No wonder I said you can take a synonym. Pas étonnant que j'ai dit vous pouvez prendre un synonyme. Like the fibers of the heart. Comme les fibres du cœur. That have been crucified. Qui a été crucifié. Could be the wick of the lamp. Peut-être la mèche de la lampe. So you see that the lamp essentially. Alors, vous voyez que la lampe, essentiellement, here implies the reflection. Ici implique le reflet of the walk with Christ that the church is having. De la marche avec Christ que l'Église est en train d'avoir. And so this lays a burden on the church, a responsibility on the church. Alors, laisse fardeau à l'Église, une responsabilité à l'Église. That wants to be the bride of Christ. qui désire être l'épouse de Christ. Because that lamp should emit out the gifts of the Spirit. Parce que cette lampe est censée émettre les dons du Saint-Esprit. That if you are infilled with the Holy Spirit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, then the gifts of the Spirit will come out. Alors les dons du Saint-Esprit vont sortir. And the men that are perishing, the people that are in the darkness will see that. Et les gens qui périssent, les gens qui marchent dans les ténèbres vont voir ça. And the Lord speaks very clearly here. Et le Seigneur parle très clairement ici. That every single person, que chaque personne simple, has an anointing that was given to them, the basic anointing that I've talked about. A une onction qui leur a été donnée, l'onction de base dont j'ai parlé. But it was the original plan of the Lord. Mais c'était le plan original du Seigneur. That only the Holy Spirit light up each person's lamp. Que seul le Saint-Esprit allume la lampe de chaque personne. Alléluia. Alléluia. And that's why that lamp becomes very critical in the Christian walk. C'est pourquoi cette lampe devient très importante dans la marche chrétienne. That only the Holy Spirit light up your lamp. Que seul le Saint-Esprit allume votre lampe. And now I'm bringing you to a higher level. Et maintenant je vous amène à un niveau supérieur. Where you will begin to understand that there can be counterfeit lamps. Que vous allez comprendre que il peut y avoir des lampes qui sont contrefaites. The book of Psalms 119 verse 105. Le livre des Psaumes 119, le verset 105. Psalms 119, 105. Psaume 119, verset 105. Will help us understand this. Va nous aider à comprendre ceci. The lamp is supposed to guide you and help you. La lampe est supposée vous guider et vous aider. And also to reflect the life of Christ that is in you. Et aussi à refléter la vie de Christ qui est en vous. What is that lamp? Quelle est cette lampe? Psalm 119 verse 105. Le psaume 119 verset 105. It says, "Your word is a lamp to my feet and a light for my path." Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. So you surely see that when all the virgins stepped out, alors, vous voyez certainement que quand toutes les vierges sont sorties to go wait on the Lord, pour attendre le Seigneur, the lamp was essentially supposed to give them light, leur lampe était essentiellement supposée leur donner de la lumière. So they don't stumble and knock the rocks. Hit their feet on the rocks. Alors, elles ne trébuchent pas et heurtent les cailloux et frappent leurs pieds contre les cailloux. So they may walk the walk. Alors, elles peuvent marcher la marche. In the rightful way, even as ordained by the Lord in this calling. Alors, elles peuvent marcher dans le bon chemin comme le Seigneur l'a ordonné dans son appel. It's very important to understand. C'est très important de comprendre. That the lamp would also lead them. Que la lampe veut aussi les conduire into living the word of the Lord. À vivre la parole de Dieu. So, the light of the Lord, alors, la lumière du Seigneur that the wise virgins had, que les vierges sages avaient emanated from the word of the Lord. Émanait de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Now, let me bring you to another level. Alors, laissez-moi vous amener à un autre niveau. The lamp that the foolish virgins had, la lampe que les vierges folles avaient, emanated from the word of the Lord also. Émanait de la parole de Dieu aussi. You see that? Vous voyez ça? But the only difference, la seule différence, is that the wise virgins, était que les vierges sages, fulfilled Proverbs chapter 1 verse 7, accomplissaient Proverbe chapitre 1 verset 7. That's the only difference between the two. Proverbs chapter 1 verse 7. C'est la seule différence entre les deux. Proverbe 1 verset 7. And it says, et il dit, the fear of the Lord is the beginning of all knowledge, but fools despise wisdom and discipline. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, la discipline. So you can see what the foolish virgins did. Alors vous pouvez voir ce que les vierges folles ont fait. They were called foolish because they despised the wisdom and the discipline that is instituted and ordained by the word. Elle s'appelait folle parce qu'elle méprisait la sagesse et la discipline qui étaient ordonnées par la parole. So if you were to redefine the wise virgins, alors si vous deviez redéfinir les vierges sages, that was the church, the remnant church that lived under the fear of the Lord. Ça c'est l'église, l'église restante qui conduit dans la crainte du Seigneur. Which is the beginning of all wisdom. No wonder they were called wise. Qui est le commencement de toute sagesse, celles qui sont appelées sages. Essentially, essentiellement, that means the lamp that we're carrying, ça signifie que les lampes qu'elles portaient, was emitting out the fear of the Lord, émettaient la crainte du Seigneur. Alleluia. Alleluia. And their lives were characterized, et leur vie était caractérisée, by the fear of the Lord, par la crainte du Seigneur. Somebody, are you getting this deeper and deeper? Êtes-vous en train de le saisir plus profondément et plus profondément et plus profondément? And you see that the lamps are our lives that were created by God, okay? Et vous voyez que nos lampes sont nos vies qui ont été créées par Dieu. And the lamps in our lives are created by God and originally intended to be lit by the Holy Spirit. Les lampes dans nos vies qui ont été créées par Dieu et originellement destinées à être allumées par le Saint-Esprit. And the flame it gives is the light. Et la flamme qu'il donne, c'est la lumière. Alléluia. Alléluia. And it's also the fruit of the Spirit. Et c'est aussi le fruit de l'Esprit. Because you see that when the wise virgins were able to pour the external oil, et vous voyez que quand les vierges sages étaient en mesure de verser l'huile extérieure, that is the Holy Spirit, they increased in filling. C'est le Saint-Esprit qui libère la plénitude. They are able to give more of the fruit of the Spirit. Qui les rend capables de rendre plus de fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. In the book of Galatians, dans le livre des Galates, chapter 5, le chapitre 5, verses 23, you see the fruit that the lamp is supposed to have emitted. Le verset 23, vous voyez le fruit que la lampe est supposée émettre. Chapter 5, verses 22, 23. Le chapitre 5, versets 22 et 23. You see that which the foolish virgins did not emit. Vous voyez que c'est ce que les vierges folles n'ont pas émis. The fruit of the Spirit they did not emit. Le fruit de l'Esprit qu'elles n'ont pas émis. Let's look at the fruit of the Spirit that the lamp was supposed to emit. Regardons au fruit de l'Esprit que les lampes étaient supposées émettre. Even as the virgins were walking in the darkness, alors que les vierges étaient en train de marcher dans les ténèbres, presenting the image of Christ, présentant l'image de Christ, the five wise virgins, les cinq vierges sages. Verses 22 and 23, this is what it says. Les versets 22 à 23, il dit, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Listen to that, somebody. You remember the Holy Communion? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Alors souvenez-vous, la Sainte Communion. Being faithful unto the Lord. Étant fidèle au Seigneur. Waiting on him. Nous attendons à lui. Gentleness and self-control. La douceur et la maîtrise de soi. Against such things, there is no law. La loi n'est pas contre ces choses. And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. So surely it's very clear from here. Alors certainement c'est très clair de là that there is a lot that is supposed to have been emitted. Qu'il y a beaucoup qui est supposé être émis by the five foolish virgins. Par les saints vierges folles. But they did not. Mais elles ne l'ont pas fait. And yet, the lamp of the five wise virgins, alors maintenant, les lampes des cinq vierges sages, was able to emit the fruit of the Spirit because of the infilling of the Holy Spirit. Hallelujah. Étaient capables d'émettre le fruit du Saint-Esprit à cause de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. and the gifts that would help the church to grow to full stature. Et les dons qui vont aider l'église dans la, à être dans une pleine stature. We can look at the virgins. There's something very interesting in this parable. On peut regarder aux vierges. C'est quelque chose de très intéressant dans cette parabole. In this parable, the Lord Jesus presented 10 virgins. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus a présenté 10 vierges. 5 of them were wise, while 5 were foolish. 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. And you see very clearly, et vous voyez très clairement, that they are a group. Qu'elles sont un groupe. They are 5. Elles sont 5. The foolish and the wise. Les folles et les sages. Of course, that talks about the 50% of the remnant. Pour cause, ça parle à propos du 50% du restant that he passes through the fire of the Holy Spirit, qui passe à travers le feu du Saint-Esprit. Which remnant that Zechariah was speaking about in Zechariah 13. Ce restant dont Zacharie était en train de parler dans Zacharie 13. The remnant that will enter. Le restant qui va entrer. Now listen to something else here. Alors, écoutez quelque chose d'autre ici. There was a covenant between the virgins. Il y avait une alliance entre les vierges. All of them were virgins. Toutes étaient vierges. You see that? Vous voyez ça? They were undefiled. Elles étaient pures. There was a company covenant they had together. Il y avait une alliance de compagnie qu'elles avaient ensemble. They were behaving together as a company. Elles se comportaient ensemble comme une compagnie. All were virgins. Toutes étaient vierges. Alléluia. Alléluia. And all of them set out to wait on the Lord. Et toutes sont sorties pour attendre le Seigneur. So that was a covenant they had. C'était l'alliance qu'elles avaient. All of them were aware that Jesus was coming. Toutes étaient au courant que Jésus allait venir. The bridegroom was coming. L'époux allait venir. Alléluia. Alléluia. What is the message the Lord was speaking in this parable? Quel est le message que le Seigneur était en train de donner dans cette parabole? When he had them operate in a covenant, in a peer group covenant, peer covenant. Alors, il en parle comme fonctionnant en tant qu'alliance, en tant qu'un groupe de pères qui sont alliés. In a group covenant, a company covenant, as a company. Un groupe qui s'allie, une alliance de compagnie comme une compagnie. In other words, the Lord is emphasizing. En d'autres mots, le Seigneur met de l'importance. That the Holy Spirit is the final authority that prepares the church. Au fait que le Saint-Esprit est l'autorité finale pour préparer l'église. So she can be a radiant, holy bride unto the Lord. Alors elle peut être rayonnante, une épouse sainte pour le Seigneur. But he was also talking about the perilous times, the difficult times that will come at the end time. Alors il parle aussi du temps périlleux, du temps difficile, de la fin. And when he said the 5 virgins, et quand il a dit les 5 vierges, would separate out, vont se séparer, from the other 5 and enter, des autres 5 et entrer, refuse to share their oil with them, refusant de partager leur huile avec les autres, he essentially meant the different cadres and different levels of separation. Il pensait essentiellement aux niveaux différents de séparation that the perfect bride of Christ would have to go through. Que la parfaite épouse de Christ a à traverser. I don't know how about you listening today. Je ne sais pas à propos de vous qui écoutez aujourd'hui. Maybe you are in a very inclusive church. Peut-être que vous êtes une église très inclusive. You want to include the homosexuals. Vous désirez inclure les homosexuels. You want to include the gays. Vous voulez inclure les gays. The immorals. Les immoraux. The everybody, inclusive church. Tout le monde, une église inclusive. Today there's a lot of talk about inclusiveness. Aujourd'hui, on parle beaucoup à propos de l'inclusion. Which has even entered the church. Qui est même entrée dans l'église. But what is the first separation? Alors, qu'est-ce que c'est la première séparation? The first separation that the Lord was talking about here. La première séparation à propos duquel le Seigneur était en train de parler ici, is to become a Christian, separate from the secular world. C'est pour devenir un chrétien, il faut être séparé du monde séculier. Alléluia. Alléluia. The second separation, la seconde séparation, is to separate out from the general Christian, c'est d'être séparé des chrétiens généraux. There are different types of religions within the Christian faith. Il y a plusieurs types de religions dans la foi chrétienne. So-called Christian faith. Ce qu'on appelle la foi chrétienne. To be in the Pentecostal, Holy Ghost believing, Bible teaching church. D'être dans l'église de Pentecôte qui parle du Saint-Esprit et qui enseigne la Bible dans l'église. Many churches don't teach about the Holy Spirit. Beaucoup d'églises n'enseignent pas à propos du Saint-Esprit. You see the next level of separation? Vous voyez le nouvel niveau de séparation? The third level of separation. Le troisième niveau de séparation is when he told them separate out as a remnant from the church. C'est quand il a dit séparez-vous comme un restant de l'église. The few that went to the streets, remember that? Le peu qui sont allés dans la rue, vous vous souvenez de ça? As a remnant, having been aware that times have changed. Comme un restant, est-ce que vous avez été au courant que les temps ont changé? And the wedding of the Lamb of God is near. Et que le mariage de l'agneau de Dieu est prêt. Separate out completely. Être séparé complètement. If your eye causes you to sin, gouge it out so you may enter heaven even with one eye. Si ton œil te porte à pécher, arrache-le, parce que c'est mieux que tu entres au ciel avec un œil than to enter hell with both eyes. Que d'aller en enfer avec les deux yeux. That eye may be your mother. Cet œil peut être votre mère. Your father. Ou votre père. I don't know what that eye is. Your car, your home, your job. Je ne sais pas ce qu'est cet œil. Votre voiture, votre maison, votre travail. And that's why he says, only those that have separated out from their mother and father. C'est pourquoi il dit, seuls ceux qui sont séparés de leur mère et de leur père will be able to cling, unite with Christ and be one flesh with him. Vont être capables de s'accrocher, être unis à Christ, être une chair avec lui. Flesh of my flesh and bone of my bones. Chair de ma chair et os de mes os. Alléluia. Alléluia. That's another level of separation. C'est un autre niveau de séparation. Stepping out now from the walls. Sortant maintenant des quatre murs. Into the world. Dans le monde. Reaching them with the love of Christ. Les atteignant avec l'amour de Christ. Evangelizing even as Daniel chapter 12 verse 3 has said. Les évangélisant comme Daniel chapitre 12 verset 3 a dit, they will shine like the brightness of the stars forever and ever. Ils brilleront comme les étoiles à jamais et à jamais. Those who bring more into the righteousness of the Lord. Ceux qui en amènent plus à la justice du Seigneur. The next level of separation, of course, is family, which we have talked about. Le niveau suivant de séparation, sans doute, c'est la famille, à propos duquel nous avons parlé. The next level of separation. Le niveau suivant de séparation. Among those that have been enlightened and stepped out. Parmi ceux qui ont été éclairés et qui sont sortis. Waiting on the Lord. Attendant le Seigneur. Separate from them. That's what the Lord is emphasizing here, precious people. Séparer d'eux. C'est là-dessus que le Seigneur met l'accent, précieux peuple. So you see that there is a company of five. Alors vous voyez qu'il y a une compagnie de cinq. That have separated out completely. Qui se sont séparés complètement. And so the Lord was emphasizing the importance of separation. Alors le Seigneur met l'accent sur le fait de l'importance de la séparation. What we call group consecration. Qui s'appelle le groupe qui est consacré. This was group consecration. Le groupe de consécration. That would have to take place in the last days. Qui va avoir à prendre place dans les derniers temps. Within the unity of faith. À l'intérieur de l'unité de la foi. Now do you understand why he defined the perfect bride? Et maintenant, vous comprenez pourquoi il définit la parfaite épouse. In the context of the unity of faith. Dans le contexte de l'unité de la foi. Which means we have the common belief. We know that he is holy. Qui signifie que nous avons la croyance commune que nous savons qu'il est saint. He is coming for a holy bride. Il vient pour une épouse sainte. There is no compromise to sin. Il n'y a pas de compromission avec le péché. He is absolutely glorious. Il est absolument glorieux. And that is the unity of faith. Ça, c'est l'unité de la foi. It did not mean combine a few religions and churches. ce qui ne signifie pas combiner un peu de religion et d'église. He did not bring religion here. Il n'amène pas la religion ici. And he said, et il a dit, there will be power in corporate, il veut y avoir du pouvoir dans la coopération, in the assembly, in fellowshipping together, dans les assemblées, en communion ensemble, those that are finally separated out, ceux qui sont finalement séparés, and they are waiting on the Lord. That's why you see there are five. Et qui attendent le Seigneur. Et vous voyez qu'elles sont cinq. Alléluia. Alléluia. And they are waiting together. Elles attendent ensemble. And he said, this was a very important experience. Et il dit, c'était une expérience très importante that is going to come, qui est en train de venir in the last days, dans les derniers jours. Because the enemy will be also out. Parce que l'ennemi aussi va être dehors. He will be outrageous. Il va être outrageux. He will be enraged. Il va être enragé. He will be ferocious. Il va être féroce. There will be the devouring. Il y aura des carnages. But he said there is need for them to be together. Mais il a dit, il y a un besoin pour eux d'être ensemble. Do you remember the time of Nehemiah? Vous vous souvenez le temps de Néhémie? When Nehemiah was building the wall, quand Néhémie était en train de construire la muraille, that was broken around Jerusalem, qui était brisée autour de Jérusalem. And he told them, when you hear the trumpet, join us there. Et il leur a dit, quand vous entendez la trompette, rejoignez-nous ici. For the Lord of heaven will fight for us. You see that? Car le Seigneur des cieux va lutter pour nous. Alléluia. Alléluia.